Sur mes nuages blancs, de rêves et d'argent, vogue l'espoir de te revoir dans le souffle du vent. De rêves et d'argent, vogue l'espoir sur tes nuages blancs. Rencontre d'un poète au tendre cœur en fête et d'un être magique enivré de musique. Éclate dans le ciel le chant de l'arc-en-ciel. Les êtres de douleur trouveront la chaleur. Sur mes nuages blancs, de rêves et d'argent, vogue l'espoir de te revoir dans le souffle du vent. De rêves et d'argent, vogue l'espoir sur tes nuages blancs. Effaçons pour un temps les griffes de l'instant, la marque du présent dans le cœur des enfants. Musique et poésie se mêlent en symphonie pour réveiller l'espoir perdu là dans le noir. Sur mes nuages blancs de rêves et d'argent, vogue l'espoir de te revoir dans le souffle du vent. De rêves et d'argent, vogue l'espoir sur tes nuages blancs.